بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين أمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي عبد الحراز بن برادة ناقلا عن شيخنا وصلتنا إلى ربنا أبو العباس أحمد التجاني رضي الله عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني. وأما إقبال الله على عبده الذي طلبه المصلي فهو إقباله عليه بفضله ورحمته عموما في الدارين، وإقباله عليه اصطفاؤه واتباؤه وعنايته بإغراقه له في بحار جمع الجمع خصوصا، فهذا هو الإقبال الذي طلبه المصلي من الله تعالى إلى آخره. فيلا جماعة من وران تامبل بابا تي وون ناي لير بون يا خنا دي مون دي نكي نيوات حجاب الإقبال واه ah d'accord kon dañ ci wo kon dañ ko tambalé won ni mais dañ ko ki d'accord kon dañ ci wo dekk d'accord voilà kon ki nga xamné mom la ñëw mon kon ci sharh yaqut fi haqaiq bi moy fi borom fi ci julli manam te ñaan bi yentibi sallalahu alayhi wasallam moko jangal sax moko dicté sir ahmed tidiane radiyallahu anhu muy wax né waftah lana biha ya rabbi hijab al iqbal manam ci barki julli bi ñu julli ci yentibi sallalahu alayhi wasallam yalla nga ubbil ñu ki ray djublu ça veut dire que ki ray moy voile donc bi nga xamantene moy aju ci walu djublu plutôt deugmal voilà donc à l'ever à réception voilà les voiles de... donc yi nga xamantene ñom ño dox ci digënté nit ki ak mu mëna dem ci yalla borom subhanahu wa ta'ala. Donc fi mu ne ki julli aji julli ji day sakku ci borom bur yalla subhanahu wa ta'ala fi ni ci yalla ubbil ko ki ray djublu ci sababu julli gi mi julli ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam ki ray nak ñaar rek sante voile donc deux côté la deux façons de voile ñoo existé voile bu ndeuk bi mom moy voile bi nga xamantene moy tax dox digeunte nit ki jambi ci bopom ak borom, c'est à dire que côté bi nga xamne mom moy côté bi dem ci jamm ci yalla. Deuxième voile bi mom moy voile bi nga xamantene mom moy jugé ci manam moy côté borom bi dem ci jamm subhanahu wa ta'ala. Voile bi nga xamantene kon mom moy ki ray bi nga xamantene kon mom moy ki ray djublu bi nga xamne mom la jambi di djublu ci yalla manam ubbi giñ koy ubbi mom moy nit ki yalla may ko ben volonté pour mu dem ci yalla subhanahu wa ta'ala manam mu ne legui man dama bëgg sama lepp aju ci borom subhanahu wa ta'ala mo bëgg djublu ci mom mo bëgg ko jaamu moy ma jaar ci yoonam lolu ben la ak tamit di djok ci diko ligéyal c'est à dire que nek à son service strictement nek ci service borom subhanahu wa ta'ala ak diko jamu c'est à dire que donc nek ko xamantene tout le temps day nek ci ay actes de dévotion de culte et de servitude yo xamantene sa su nek ci lool lañuy ci lool lay nek manam lool nak moy de manière générale bu fekkante nak pour masse populaire bi c'est à dire que la masse croyante ñom moy le commodé mortat ñom ça c'est de manière générale lañ koy amé c'est à dire que ñom ki ray bi dina denc ñom mais ki ray bi ni mi denc ñom bokul ak tay ñi nga xamantene ñom ñoy khawasi khawasi moy l'élite la crème ñom ni ñi démé ci yalla ni ñi djublo ci yalla bokul ak ñi nga xamantene non la ko commodé mortat li di djublo ci yalla ndax ñoñu ki ray bi ni mi denc ci ñom manam yalla ubbi gim leen di ubbil ki ray gogou mom moy mut manam moy sel cielte bu jiggi dayo ak mut ci bepp ay ci beurep yi nga xamantene mom moy beurep bu jégué yalla subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire que la proximité divine ak place yi nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di tan ak di tabbe donc ñom fofu yalla daf leen di manam da leen di yekiti ba tegg leen ci place yi nga xamantene manam fofu lay tanne gaay yu bax yi fofu lay tabbe tamit ñu maggu ñu niki nonu da leen di nural ci geejju dajala manam dajjo jamul jamu lolu nak pour ni particulier ni particulier ñom la yalla di yobbu ci geejju manam liñu wax jamul jamu jamul jamu manam moy entité englobante ça veut dire entité englobante même voilà ndax ñun loolu nit ki su ci nekké leppum day dajalo jëm ci yalla kessé day am recueillement total nga xamantene leppum ci yalla rek la dootu mëna nekkati nit ko xamantene day djublu ci leneen lu bokku rek ci yalla xalaatam xelam bëgg bëggum nam namam doxalinam leppum day aju ci walu yalla c'est à dire que même buñ ko gisé ni ci biti ci zahir muy fonctionner di dox di wax ak nit ñi def ak li di rétane di kax di ki ak yoy ak di nek ci liguey yi et cetera ak yoy yep en réalité lool moy but bi mais ci bir limi nek di djublu di jakarlo ak borom bi subhanahu wa ta'ala ci ay xéeti di recevoir man limi djot ci ay xéeti may ci ay xéeti lumuy mos ci walu yalla moy ay goul wala sensation spirituelle wala ay lèr moy ay le anwar moy la lumière wala secret manam mbouti wala ay xéeti fuyu dat manam ay bubb manam moy ay afflux les afflux divins et influx aussi hein yoy nonou ni limi ci xéet yim ci recevoir day tax ba nga xamantene day nek ci geedu borom subhanahu wa ta'ala kessé bu boba nak do nek ci rek ci hadara turum yi ak melom yi kessé mais day nek ci hadara deug manam dajale lepp ci yalla kessé parce que lool mom moy dañ koy wax borom nit yalla am nañ ben xam xam bu tud nonu al jam wal farq ilmul jam wal farq jam ak farq fofu lolou farq moy sumbiri takhaliko we manam ngay li gis par exemple ne yalla mom moy rahman manam du gis yermale ak yalla fi ne day jéggal dafa bax manam melo yi niñu bëri dafa leer deng mom moy ko xamantene mom dafa muñakon la deng par exemple mom moy aji bind ji donc yoy yeb ay attribut yu wuté ci yalla lool mom moy alpha ki nga xamné légui nak nit ki day tollu fo xamantene ci manam ci hadaratu farq bobu lay nek manam day ko ni mi tewlo borom subhanahu wa ta'ala tout temps affaire day différent ce qui fait que bu gisé modou ni mi niko yalla feño ci à travers modou bokul ak ibra niko yalla feño à travers ibra parce que légui nak modou day nek ko xamné da fay day bax manam wala day faral di gawa mer wala muy xawor ci boba mom day gis né ah yalla mokoy feñu à travers melox gogou manam melox tangor melox ki et cetera pour won ko ne ko man ma yalla yow jam nga et que man lima bëgg moy am donc xolal à travers jam bi nga gis sama melo yoy donc lool day am comme ni ngeen nimuy def bu gisee gaynde ci all bi et cetera wala yoy mu xamne ah gat voilà manam mu gis melo borom bi subhanahu wa ta'ala nim koy feñu à travers lool leg leg bu gisee lu rafet mu gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala moko feñu à travers lu rafet lool manam kon taru borom bi lay symboliser et cetera niki nonu su gisé ko xamantene dafa lewet dafa manam tout temps day nek ci service ak yoy mu gis tamit volé bobu ci borom bi subhanahu wa ta'ala à travers lool mom moy farq koku farq la nek dafa takalu mais nak jam moy bo dajé lepp ngani nak légui lepp ci kenn la joggi manam da fay delu wat rek ci yalla c'est à dire que yow doto gisati melo yi nonou mais lepp dang koy delu wat ci yalla mi kenn kesse c'est à dire que legui hein ce qui fait que yow li ngay gis à travers borom bi subhanahu wa ta'ala manam à travers mbindi fi les créatures à travers les événements à travers yoy da ngay gis borom bi subhanahu wa ta'ala dila feñu metti ben anam boudé mo ñoom ñuy wa ahlul itlaq ñoom lañ wax ahlul itlaq ñi nga xamantene dañoo nekk deug deug ci ahlul mahabba deug deug deug ñoom ñuy am les gens de l'absoluté hein ñoom amuñu restriction ci dara c'est hein ce qui fait que ñoom buñu gis borom bi subhanahu wa ta'ala hein dañuy gis ne borom bi leen feñu manam à travers c'est à dire que moudou par exemple moudou dafa mer tay dafa ki tang donc ñom ñu gis la ci côté bobu la majesté divine sa puissance sa force ñom loolu lañu gis à travers moudou parce que moudou dafa mer moudou dafa tang tay mais en même temps ñom dañuy gis ne loolu tamit dafa am ben xétu lewet gu ci ne parce que le fait que borom subhanahu wa ta'ala ça dit une certaine indulgence ak douceur bu borom bi ci bopom manam bu yalla borom subhanahu wa ta'ala batay dañ koy gis à travers aussi lool non parce que ce qui fait que ci ben nit ki ñom lañuy gis tout manam mbolam melo yalla en même temps ci ben affaire manam ñu delu wat directement lool yobule nak ci hadratu zat manam moy l'essence divine mais xam xam bi ngay wax parce que dafa bok ci 424 waaw ñi gis waaw waaw deng hein kon amna voilà kon ñom voilà donc mais lolu légui nak dajalo bi nga xamne moy le recueillement total maintenant moy jam ul jama bi nga xamantene mom le recueillement total dans l'entité englobante du seigneur ça veut dire que watu seigneur sax fofu du valable d'allah manam voilà bu yalla voilà c'est ça donc lolu ñom fofu lañu nekk ce qui fait que c'est lepp ci yalla la nek ci yalla lañu dem dik et cetera c'est lepp ci yalla la dem donc yalla djublu bi muy djublu manam kon ki ray ji le fait que nit ki kon borom subhanahu wa ta'ala dindi oti le fait de que allah subhanahu wa ta'ala ot ce voile là c'est-à-dire entre lui et entre le serviteur même ak allah subhanahu wa ta'ala manam mu dindi voile bobu lolu moy symboliser moy wané né nit ki dafa manam lolu limi symboliser moy le fait que nit ki kon di diriger wu di djublu directement ci borom bi subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire que dans son ensemble et que mu nek tout le temps à son service et lui vouer tout le temps ben culte et dévotion et servitude donc lolu ci bopam mom moy moy djublu bi boudé les particuliers nak ñom dañuy nek dans cette entité englobante de l'essence divine voilà moy l'élite ñoo ce sont les élites hein ñoo ñoy élite yi légui nak loolu lay wax mu ne wa amma da nak iqbalu tibluk allah bur yalla ala abdi ci jamm bi alladhi bi nga xamne talabo sakku nako al musalli aji julli fo mom moy iqbalu hu jublo mom alayhi hein ci jamm bi bi fadlihi ci ngeenelam manam mom yalla jublu gi mi jublu ci jamm bi fadlihi ci ngeenelam wa rahmatu ak yermande mom man ci luñ matala fi daara ni ci ñaari keri wa iqbalu ak djublu gi muy djublu alayhi ci mom jambi wastifahu ak tan gi ngoy tan wacc ba wa tab gi ngoy tab way naato ak jappal gi ngoy jappal bi ighraqi ci labal gi ngoy labal lo ñeel mom jambi fi bihari ci geedi jama'il jama'i gi manam dajal ak dajale gi han khususan ci jagla fa hadha li huwa mom al iqbalu djublu alladhi bi nga xamne talabo sak nako al musalli aji djulli min allah tukki ci bur yalla ta'ala aji kawdi kon lol la c'est-à-dire que donc jambi manam le serviteur hein l'esclave le serviteur donc mom buy diriger wu buy djublu djem ci yalla manam fi liñu ñaan moy yalla bu kiray bobu bu ko dindé xam nga donc volé bu jëk bi gis nañ ko mais deuxième volé bi moy lan moy yalla ci bopam dindi kiray bi dox digënté mo adjanam mom moy tan yalla djublu gi mi djublu ci jamm bi ci tan ko ci manam defal ko ngeeneelam c'est à sa faveur hein et voilà yermane moy sa miséricorde donc lool non lool moy de manière générale et puis té lool non day englober day matalé ci ñaari kër yépp manam moy dans les deux mondes moy aduna ici bas et dans l'au-delà donc moy aduna ak al-akhirah légui li kon mom moy djublu bi nga xamantene hein lolu ben la maintenant pour l'élite manam pour ñi nga xamanteni ñom ñoy ñi gëna particulier ñoo ñu yalla daf leen di tan tabulé ça veut dire que istifa moy élection ça veut dire voilà l'élection la nomination voilà voilà ittiba moy voilà jëgé wona bat bobu la la la la sélection ou la congrégation voilà donc yalla kon lolu mu len di defal hein ci jappandal voilà ak tamit le fait que mu nek di len assister manam di len jappalé tout le temps hein ci labal gi ñu len di labal ci geedji voilà ci geedji dans l'océan voilà dans les océans de l'entité englobante bobu nonu ñuy wax hein de l'essence divine donc lolu hein ça dit que le recueillement même voilà le recueillement ce qui fait que ñom tout le temps dañu nek ci lolu yalla kon le fait que mu jappale leen ba lolu mëna nek lolu moy djublu na ci bo sétlo kon ñaar yépp ben la bo xolé kon deux yépp ben la sauf que bi dañ ko askane la jambi c'est à dire que relation bi am entre yalla ak jamu yi relation la bo xamantene mënu ñu tuddu ben te tuddu ñu kenen c'est à dire que buñuy wax yalla en tant que borom le seigneur c'est parce qu'il y a un esclave aussi c'est parce qu'il y a le serviteur suñu wax manam mënu ñu tuddu yalla en tant que mënu ñu tuddu le serviteur sans parler du seigneur ni mënu ñu tuddu seigneur sans parler du voilà lool mënu ñu ko def mënu kon lool buñu gissé ñuy wax nan yalla jambi nangam en réalité tout le temps li ñuy wax day nek lo xamantene soit day dem ben sens wala mu dem benen sens et que dafa reversible aussi c'est-à-dire que day dem ci ñaari sens yépp donc lool mom moy digënté jambi ak hein ak borom subhanahu wa ta'ala légui kon ce qui fait que bu ñé kiray bi nek digënté jambi ak yalla mom la yalla dindi wala ñu né yalla dafa dindi kiray bi nek digënté mom ak jambi bo sétlo day gis né ben la c'est comme fini rek buñ né li dox sama digënté ak yow c'est que ce qui est entre moi et toi mom la dindi ak ce qui est entre toi et moi mom la dindi ben la c'est la même chose leug voilà légui nak muy wax kiray muna wal hujubu kiray allati nga xamna talaba mi sakuna al musalli ay julle di min allah ci bur yalla fataha ku bem hi mom al umur al mbir la allati al umur moy mbir allati nga xamna ci ala def nak allah bur yalla ha'ilatan muy aji dox bayna abdu digante jami wa bayna rabbi ak bu gënde ak boromam am shuhudi ci jakarlo qurbihi jegen gi ngi koy jegen wa minan hi ak xewal wasfa ya ki tan fa wati ba ya ki tabam wa an wusul ak ci jokku yegg bi fadlu manam jotek jokku fadlu ngeneelam wa rahmatu ak yermanam ilahi jëm ci mom Allah kiray moy voile le voile yi nga xam tane ñoo nek ant hein le serviteur jambi ak yalla bi le seigneur mom jam boromam lolu kiray la yo xamantene mom lay sax pour mu dindiko neena te daf koy ñaan ci barki julli bi mi julli ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam donc c'est à travers le salat ala nabi sallalahu alayhi wasallam donc manam julli bi ñu julli ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam que le kiray yoy di deñe donc lolu motax d'ailleurs ku bëgg kiray yoy dé il faut que perpétuellement ngay sax ci di def ay salat ala nabi en permanence continuellement en permanence à un moment donné voile yépp dañuy dañ yépp dañuy dañ sa digënté ak sa borom da ngay gis même bo amé ay xéti ñawtif wala ay bakkar ay voilà quoi des péchés des actes de désobéissance yo xamantene dañ ci nek so perpétuer ci di def salatu ala nabi fata lepp lay def lepp lay def motax amul yoonu tarbiya bu gëna gaaw lool mu xamne buy sax motax lool motax lan mo gën mbolam zikari nga xamantene ñing koy def mbolam ñaan yi nga xamantene ñing koy ñaan ak xet yeb ak yeneen xetu tarbiya yeb manam manam education forme d'education spirituelle yeb bi ci gëna gaaw bi ci gëna simple bi ci gëna accessible ba paré gën ci yomb mom moy nga saxo di def salat faté salat faté salat faté Allah tout le temps perpétuellement en permanence de manière continue tout le temps légui da ngay jék jék rek nga gis voile yi doxone sa digënté ak sa borom yépp dañ correct donc moy yoon yi gëna gaw légui kon kira yoy nga xamné mo dox digënté jàngé ak borom subhanahu wa ta'ala bu déñé nak légui nak après lan moy am li am mom moy le témoignage moy ash-shuhud le témoignage c'est-à-dire que la et la contemplation mushahada voilà mushahada la contemplation ash-shuhud c'est le témoignage voilà donc yoy ñu am ak manam nga gis nak mais yow lan ngay témoigner qurbi manam da ngay témoigner la proximité parce que en fait en réalité yalla daf ñoo jégué wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid mo ñu gëna jégué ko suñu boomu fa le plus proche de nous que notre veine jugulaire donc lolu manam même le mot veine jugulaire sax en fait affaire bi sax gën nako sori motax xol bi ni muy défé né taf taf nonu cœur bi xol bi ni muy yëngato nonu en réalité lolu symbole la bu yalla yëngal xolu nit ki diko muy wara yëk présence yalla à chaque fois tout le temps mu yëngal xol bi deug deug deug mu yëg ni ah Allah Allah que Allah est présent donc cette proximité là mais sauf que proximité bobu du ñepp ñokoy gis xam nga fimu tollu ñun yalla mi ngi ñu jégué ñun ñepp mais ñun ñepp yëgu ñu né mom jégué nañ c'est-à-dire que donc ñun on n'est pas tous conscients de la de la proximité divine donc maintenant le fait que voile yi ôté wu moy tax ñun ñu ko ñu rendre compte témoigner maintenant cette proximité voilà donc lool la manam ñu témoigner jégué gi mu jégué donc c'est la proximité al minan minan moy xéewali voilà donc c'est bienfaisance voilà c'est gratitude c'est voilà ak istifa'u moy ak tané fam donc son élection son sa nomination ittiba'u voilà moy voilà moy congrégation voilà sélection donc lool dama koy mënd di jaxar lool ko témoigner diko gis di meuna sédé lool chaque à chaque fois moy meuna xamné ay yalla kan ndekete mi ngi ja ndekete xéewul yalla donc lepp lo gis non seulement lo gis da ngay gis ni yalla en fait motax ñom en fait dañuy gis motax nitu yalla yoy bu yalla dindé ki ray bi direct complètement ci ñom ñom dañuy jakarlo mbir yépp mais buñu luñu gis rek dañuy ci yalla mais Allah même mais avec l'œil du cœur c'est-à-dire que ak bëtu xol bi moy la clairvoyance dañuy gis yalla mais sauf que duñ ko mun situer manam parce que yalla mënuñ ko pek c'est-à-dire que on peut pas le cerner yalla kenn mënuñ ko cerner mais dinañ ko gis ak seen bëtu xol bi ci luñ mënu tourner nak ci luñ xol luñuy xol rek dañ koy gis day gis seen borom subhanahu wa ta'ala et que ñooñu luñu gis tamit dañu gis xéewal gi yalla dexeñ ci lolu parce que gis nga dañu wax né tak ñu ngi ci biir xéer xam nga deux pierres yi nga jël doko taf après tak bi génn le feu en réalité feu bi le feu ñu ngi won ci xéer bi parce que la preuve en est que bimu ko doré dafa génn four bi ñu ngi wax tuba équipe équipe lañu wax voilà xam nga mi ngi won ci homme bi mais bi nga yëngalé affaire bi da ko gis de la même manière même là yalla xewul ni ça que c'est bien fait c'est grâce c'est faveur mi ngi ci bir toute chose ci bir lepp mais sauf que nit ñi biñ ko gawa témoigner ça veut dire il faut que ñu ag à un niveau de spiritualité pour di mën di bayyi xel lool ça veut dire di ci conscience lool mo motax le cheminement spirituel yoon bobu fobu gi am solo parce que day tax dalay permettre de le dévoiler le voile bobu de telle sorte que ngay mën di témoigner lool avec beutu xol bi l'œil du cœur manam la clairvoyance ngay jakkalo lo gis nga gis xewolu yalla ngeenelu yalla magga yalla tatanu yalla donc ses attributs de manière générale donc sa volonté sa grandeur hein sa puissance donc ak le fait que aussi sa science c'est son ingéniosité parce que lenn lu ci nek xam xam bi manam lenn lu ci nek bo gisé borom subhanahu wa ta'ala nim ko défaré daf ko défar de manière la plus parfaite. Deng kon lolou hein lolou mom lay wax ne manam kon yow da ngay jox ci lolou da ngay am accès ak notion bobu non ak yeurmeul ak yalla ak ngeneel ak leg mu na fa iza zalat bu fekenteene dañ na tilkal hujub yoyele kira jazaba day bijj ar rab borom bi abdo jam ilahi dem ci mom bima ci li nga xamantene sha Allah sop nako bi jawazu bi ci bijjik rahmatih yermane mo fadli ak ngene la mom man ci luñu mato wajawazu bi ak bijjik istifa'i ak tat ak bellem moy tané fam wattibai ak tabam wa inayat ak jappandalam ko 68 luñu jagla moy pour l'élite nonu pour l'élite donc fofu yalla kon bu dindé kiray bi lolu da fay am li ñu wax jazbu moy l'attirance donc Allah subhanahu wa ta'ala attire le cœur de l'individu c'est-à-dire de l'homme dokoy xëc hein bu ko défé su ko attirer nga gis xol bi day djublu ci yalla ci borom moy kon xëñu bu iqbal man al iqbal moy le fait que mu diriger wu fofu la hein le fait de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala légui xol bi tout temps fofu lay di amul benen direction ben qibla la am ben direction lay am pour djublu ci muy xol muy yalla kokku nit kokku su xolam djublo ci mom légi borom subhanahu wa ta'ala motax manam kira yi xam nga kon mo lay won ni kira yi mom mo dox digënté le fait que yalla xëc ci xolu nit ki jëm ci mom wala dé kira yi la rek c'est voile yi ñoo tax donc su voile yi gagné l'assurance day mëna exister day mëna am même mu na la likuy xëc ay mbir la ay élément la yo xamantene dañuy jugé fan dañuy aju ci yermandem ak ngeenelo moy bi jawaz bi rahmatihi wa fadlihi donc par des attirances provenant wala d'ordre de sa faveur et de sa miséricorde donc ci la koy attirer lol moy de manière générale kon ñoo ñoo ñu général amma ñi nga xamantene ñom ñoy les particuliers musa dit l'élite ou la crème ñom ñi ñoy ñu part ñu jagoñ moy xawasi ñoo ñu yalla bu len di xëc daf len di xëc par tan gi mu len tan ça dit que la sélection l'élection la nomination la congrégation manam ñom xëc ta ak l'assistance c'est à dire assistance perpétuelle bobu muy am ci ñom tek len loxo comme niñ koy wax ñom yalla non la len di doxal ce qui fait que ñoñu dootu ñu nekkati ay manam ñoñu ay nit lañ ci bir nit ñi mais duñu yamuñu nit ñi dede yamuñu ak nit ñi ñom ci bir souf ci ay pierre précieuse la xam nga pierre yi beur ni xéer xeer fo dem amna xeer mais amna ay xeer ñu tuddé les pierres précieuses du toute pierre lañ wax pierre précieuse hein voilà donc ñom ci bir nit ñi ni nit ñi mel ñom non lañ ci mel donc yam lu nit ñi mais sauf que yam nañu ak nit ñi ci ñaari bir bu ñëkk bi mom moy carcasse bi voilà la morphologie wala l'interface lolu ñom ak nit ñi ñoo ci wal mom ñoo nit ñeetem ñaaral bi mom moy environnement c'est-à-dire que Allah gis nga ñoo ñom ak nit ñi ñoy am suñuy dund ndok ñom duñu am particularité ci généralité c'est-à-dire que li nit ñi lek lañu lek li ñi naan lañu naan ni nit ñi solo hein la société bi ñu dund ñom ni ñi solo ñom non lañuy solo ñoo bok donc la manière de s'habiller donc l'apparence hmm place yi ñi liggéey li ñi liggéey ñoo bok lool tam en plus de lool nak dafa am benen affaire bu ñuy am moy dañuy daw toute particularité lepp lu leen meuna particulariser par rapport ak lan ak nit ñi ñuy dundal société bi cependant seen bir xol ak seen idéologie ñom ak wa société bi ñuy dundal bokku ñuko ba paré illusion yi manam moy ghurur ratien manam moy illusion ñu joxe waru waru yi nga xamantene mom le peuple yi mi manam sen société yi waru yi ñeké illusion yu nekk yi ñi nekk ñom duñ ci nekk malgré que amuñu benn particularité ci vitini motax ci sen bir le secret bi nekk sen bir ci le secret bi sen secret bien sûr maintenant amna yo xamantene sen wa société dañ koy def te ñom duñ ko def si par exemple amna yu bon yo xamantene sen wa société ay nan sangara ay lek mbam ko ay wala yoy lek yap bu daganul ay bise ay non yoy duñ ko def bien sûr parce que tamit ay élite lañ ñom ce sont les rapprochés d'Allah donc lool da fay am lu muy takko lool c'est-à-dire que da fa am lu muy andal ci ay comportement ci ay doxalin ci ay waxe aussi ñom ak seen société luñu bok ci seen capacité de supporter c'est-à-dire que ñi ñom dañuy mëna muñ ay yenn mbir yo xamantene seen ñeneen ñi ci dess kum ci dalon yobbu nañ la dina ci par exemple lool tamit dañuy wuté ci lool hein voilà xam ngeen dina ci voilà ko lañu yobbu ñi xel yi fan moy fan voilà donc dinañu wouté tamit ci le fait que ñuy résister par rapport ak ki tentation yi ñu résistance bobu ak yoy lañuy wouté c'est-à-dire que yi ñuy wouté yoy la ak tamit dinañ fonk seen ay julé ak yoy par exemple ci boudé jigéen ci ñom duñ sol ay mini par exemple même buñu même seen société buñu dé sol mini ñom par exemple duñ ko sol parce que c'est normal parce que ñom dañoo jégué yalla bokkuñu xam nga ci jégué yalla ak ci jégué wul yalla mënuñu bokk ay comportement ki yalla rek mu aduna en fait ci biti ni la nek minde fi mais ci bir yalla la nek et dou l'intérêt ñom nak haqiqatan mu ñooñu non ñom ñoy al awliya al muhammadiyun moy li nga waxtane kërëm al awliya al muhammadiyun c'est-à-dire les saints muhammadiens c'est-à-dire que ñom dañoo don c'est-à-dire que la globalité wala la presque héritage presque globalité wu bu yénnati bi sallallahu alayhi wasallam donc ñom dañuy am ñaari foré yu ñuy doxal dafa am lu ñuy wax ak tadal bi c'est à dire dañuy nekk dans une ascension perpétuelle ak taraqi mu yéeg dañuy yéeg jëm seen borom donc ascension bi seen volet la entre ñoom ak seen borom sans rien mais ascension ascension bobu duñ ci nekk tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps parce que ñoom dañuy dund en société donc il faut mu am nu ñuy mel il faut que ñu ba pare suñu yabé suñu nekké ci seen volet bobu kess duñu mën dimbali kenn en fait duñ am jariñ pour société bi après donc ce qui fait que dañuy am lu ñuy wax atadan ni c'est à dire que la redescente la descente donc dañuy am l'ascension la montée et la descente et redescente bobu nan lañ koy défé moy dañuy jaxaso nit ñi di dund comme ñom di mel comme ñom nek comme ñom di vivre comme un citoyen lambda de manière générale parce que lolu su amul do mën dimbalé nit ñi mais il faut que ngay mën di gérer ñaar yoy yépp c'est à dire que en même temps que ya nga nek nit ñi moy hein sa zahir c'est-à-dire que donc l'extérieur le côté apparent mom mi ngi nek ak nit ñi c'est-à-dire que mi ngi nek ak les créatures mi ngi nek voilà mais ton intérieur est avec le créateur le vrai voilà donc ce biir da fay nek yalla donc ñom yalla ñu yalla bor ci xawaas légi nak mu yalla qawluhu wax bi mu nana wa taqabbalta yalla nga nangu minni ci man manam ginnaw bi nga defé ba salatu ala nabi bi nek lim tax mom limay sukkandiko manam mu nek dundu une vie hein et bo xamanteni ci lay sukkandiko nga jappalé ma ci mo meun diko magal mom yenenbi sa sam di magal borom subhanahu wa ta'ala te nga dindil ma ki ray nga xamanteni ño dox sama digeunte ak yalla manam yoy yep yalla yalla biñ ko defé à travers salatu ala nabi bi nga xamne mom lay def julli bi moy julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam légi nak wa taqabbal yalla nga nango minni ci man bi barakat ci barke habibi sama soppe bi wa habibu ak soppe ibadaka sa jami al mu'minina way gem ni ma lo xamantena ana man u addihi mang koy joxe minal awradi ma lepp lo xamne wala kon ismu mansur la ay mana allazi ana man u addihi man koy joxe minal awrad ci ay werd wal azkari ak sikkat wal mahabbati ak tiofel wat ta'zim ak magal li zat ak ngir sa jëm man ngir sa naissance adik wala ngir sa essence lillahi ngir yalla kesse lillahi ngir yalla kesse lillahi ngir yalla kesse donc hein ñaan bi loolu moy lan ñaan bi mom donc fini ça consiste à lan à demander que Allah subhanahu wa ta'ala accepte manam par la bénédiction wala par les bénédictions de hein de mon bien-aimé et du bien-aimé des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire que donc mom moy les croyants comme ni ngi ko waxe lo xamantene deng man tout ce don voilà je suis en train d'accomplir comme wirdu ça veut dire que moy litanie comme litanie ou azkar le zikr les invocations ou mention du rappel hein ak al mahabba ça veut dire que c'est l'amour sincère wa ta'zim ak magal ça veut dire que la magnificence c'est à dire que le témoignage de la splendeur voilà la glorification ben la pour mo def ko yep litatique ngir sa djem ça veut dire que pour strictement ton essence, c'est-à-dire que l'essence de Dieu. Voilà, lillah, lillah, lillah, pour Allah. Voilà, qu'est-ce que c'est Allah. Donc, fille de Moulay, talaba sakuna al-musalli ajijulli di hauna fi, minallahi, tu kei ti mam ti boramam buri Allah, ta'ala ajika ajibi barakat, ki barakai habibihi, sopem diwa habibi ak sope ibadihi, jami al-muminin ajigami al-yatakabbala jifunangu minu jimam jamai amambu alam ni ka amni yu adbihi minko yu jokhe minal awarat ki ayverda wala sikara ki sikara. wal awradu yardina shamilatun aj lambolam jami' al ibadat ñel mbolam jamu yalla min kulli ma ci lepp lo xamantene yunsahu loho def nako ko joxel def nako ko defal fi manam dina ko voilà fi ñaar la ñaar ñaar ñu waye la dafa am yunsahu ak yusabbihu ñaar la quoi voilà voilà lool mom motax mu neul ci jim ci ya ak ci lam am na yusabbe wala bi res lan la yunsahu yunsahu wala yunsahu wala moy han li nga xamne mom lay rab diko def diko utiliser diko jefandiko deng lo ñel ko fi ajza ci khaj laylihi gudemi wa nahari ak beccegami wala wala bok budé ci sabbal moy donc glorification yi mi def et cetera wal mazkuru wal azkaru zikarina ma'lumat wala bon avant lol na ñew fi donc fi daf ni ki julli ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam da fay saxu ci borom han wa taala ci barkey soppem bi te mom moy son bien aimé c'est qui le prophète sallalahu alayhi wasallam mom c'est son bien aimé et le bien aimé de tout les serviteurs croyants. Donc mon moyen tamit soppé jaamu yalla yi nga xamné way gëmlé ci dégg kon lepp manam donc par la haute considération de ce prophète sallalahu alayhi wasallam qui est le bien-aimé d'Allah le bien-aimé de tous serviteurs donc kokku ci barkel par sa haute considération et par ses bénédictions yalla nangul ko exaucer ko donc hein li nga xamantene mom moy lepp lo xamantene daf koy def da koy accomplir comme litanie wird ak zikkar ak voilà ak zikkar legui buñ waxe wirdu chapitre bi passé pa biñu nek ni 33 biñu wax ci arabe waxon nañ du aji ci walu wirdu moy lan ak ci lan la dugg lolou mom motax nak mom la indi wax mune wal awrad yi mune dafa lambo c'est-à-dire que dafa englobé donc quand on parle de litanie de wird du rek tok di sikar du luñuy sikar ni kess mom lañ wax wird dedet mais tout ce que le serviteur accomplit comme comme acte d'adoration comme voilà comme acte de culte comme culte yoy yep dañ koy tuddé wird le fait que ñukoy tuddé wird nak day fekk le fait que ñukoy saxola loolu tax nit ki bu amé dara lu muy saxo loolu wird lay doon ci mom permanent voilà il faut que mu nek voilà de manière permanente ak yoy deeng loolu la wax ni lepp lo xamanté kon mom la ko rabal mom la ko def han ci xaji guddem yi ak beccëgam yi voilà donc ce qui veut dire que nit ki aussi il faut que mu am ay wér le strict minimum d'abord mom moy faratay c'est à dire que moy les devoirs prescrits hein moy obligation donc ça il faut que nga respecter da saxo nek ci niko yalla bëgge pa yow ni ngo bëgge hmm comme là comme Allah le veut et pas ko toi tu le veux. Donc lol déjà ben affaire la après mu am ay wird bu féké da nga jël tariqa par exemple comme nga jël tariqa bi amna wird yi awradi amna wazifa amna hadrat juma mu nek ñet yi nga xam tane ñom ay lawazim la ci tariqa bi c'est-à-dire que dañu attaché wu gis nga lazim mon lazima c'est-à-dire c'est le fait de s'attacher à quelque chose donc moy dañu attaché wu ak nit ki tant que mini dund day attaché wu ak mom et que bien sûr qu'il a les possibilités de le faire ci condition yi nga xam ne yoy lañ ko waxo yoy tam xéttu wër do mu am yeneen wër do moy nit ki par exemple bu gisé ni day am wër do ci saraxé amul wërdu da ci am parce que comme boudé tout le temps par exemple tous les jours Moussa Raxé 10 euros voilà 1 euro tous les jours 1 euro ça c'est un wërdu lolu wërdu la par exemple chaque mois nous djok dem sété djé faire une visite spirituelle vers telle ou telle personne manam gis bon ko xom tan sangam wala lu ci wa ça ko wërdu la wërdu etc mais wërdu mën na nek lo xamantene même budul par heure yu clair la yu woru yu leer lañ ko xamé mais heure yi kat ci lañ ko tégué même budul pour lool wërdu leg leg mu nek ci lo xamantene en fait day ñew souvent comme par exemple nit ki di def di saxo lu muy wax rek mu nek deug lolu xéttu wër la wala jigen ji ne man day damay fossal sama jëkkeur dang koy passel dang koy togal koku wër la et cetera donc lepp lo xamantene dang ko def comme acte culte de culte par rapport à sa borom subhanahu wa ta'ala et que donc lolou dañ ko tuddé wër lool nak bu amé waridat dañuy ñëw ça veut dire que day am yu tuké ci yalla yo xamantene ay bul lañuy doon yo xamné dañuy ñëw daanu ci simit yoy nak dañuy englobé ay yërmëlé ay xéewal ay ngeenel ay lèr lumière ay secret ay don divin mawahibi ay flux et afflux et cetera azwaq donc des goûts essentiels c'est spirituel hein une mosse yoy nak dañuy wacc nit motax nit ki su saxowé di def lu bax tout temps yalla daf koy waccel yoy lool moy waridat le fait que nga sax ci wirde bi déjà le fait il y a d'abord c'est que en fait ñaari côté la dafa am anwaru tawajjuh ak anwaru muwajaha yo dafa am ñaar la sont deux sortes de lumière yo xamantene ñom ñoy tax nit ki di mën di perpétuer di nek di sax ci li nga xamantene mom la nek comme ay jamm yalla dafa am ay lumière yo xamantene lèr yo xamantene dañuy tukké ci borom subhanahu wa ta'ala ñew ci jamm au départ yoy ñokoy permettre mu am doole katan mu am la force spirituelle pour mën sax ci di def lu bax di mëna wax lu bax c'est à dire que tay buma togué né Allah wala la ilaha illa Allah wala ma def salatu ala nabi c'est parce que dafa am ben lèr bu yalla lumière divine bo xamné mo wacc ci man mayma doole mu mën ko def sinon doon mu ko mën suma ko yalla permettre won su leer bobu ñu won ci man duma ko man et aussi c'est parce que également il y a une lumière divine qui est descendue en moi voilà sur moi et qui fait que man dama am une conviction ferme sur l'utilité ou bien même sur l'existence même du Seigneur parce que sinon leer gogou su ñu wacc ci biir xol bi ngëm yalla gogou du mëne même la foi même la croyance le dogme yépp d'autre exister donc lolu ben lèr la donc ci lèr yoy nak ni ñu ëppenté doolé ci le nit ñi di jublo ci yalla selon le degré selon le niveau selon la puissance selon l'intensité de cette lumière que ci le nit ñi di amé une différence du fait que les gens chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala donc dem di djublu ci Allah subhanahu wa ta'ala donc différence fofu la maintenant lolu boy ben lèr moy anwaru muwajjaha légui mu am benen anwaru tawajjuh moy nak à partir du fait que man dem na ba djublu ba leg yalla def na ba man may djublu ci mom ma nek ci ko jam maintenant lool aussi dafa am ay leer yu muy jur yoy moy waridat yi ñi wax yoy moy indi ay yenen xéti leer yu bokul donc lool solo donc ñaari leer fiñu wuté moy bu ñëkk bi su amul ñaarel bi du am ben deuxième chose biñu wuté mom moy bu ñëkk bi su amul manam manam solo doole bu ñëkk bi ci lay mëna am force pour def benen bi pour mën acquérir ñaarel bi et maintenant c'est à partir de ce moment là lañuy wax né nit ku jëf jël c'est à dire jëf jël nan lañ ko waxe ci toi nan lañ wax jëf jël jëf jël c'est qui agit, prend. Voilà, moi qui sème le vent récolte la tempête. Voilà, on récolte ce qu'on sème. Voilà, on récolte ce qu'on sème. Donc c'est ça. Donc c'est à travers ce moment. C'est qu'à ce moment-là que l'affaire de Dieu est. Mais avant le Dieu de Dieu, il y a le moins qui au départ. Maintenant, après la pauvre, à partir de ce moment-là, maintenant, ce fait que nous, on reçoit la même intensité de lumière divine. Nous, nous, et que moi, au moment où je suis tombé sur le car, je suis venu de Nélo, mais la lumière, je suis récoltée à travers ce sicari, ou à travers ce yenen xéet jaamu yalla yu mu ndon, quelle que soit la diversité même de ces actes culturels, ou même des actes socioculturels, mais transformés en actes culturels, parce que l'autre ami d'ailleurs, moi, acte socioculturel manam moy mo ci amé yéne bu rafet djublu ci jamm yalla mu da nek mu nek acte culturel mu transformer ko donc à travers l'intention la pureté de l'intention donc day may dadi am lool du deug et que yow moment biñ koy def man ma ngi nelaw wala ma ngi ci yenen alors que ñun au départ ñoo recevoir ndo même lumière et ben résultat bi lenn la moy ne yow ya may raw ci yalla parce que lutax parce que lumière yi waridat yi wacc ci yow intensité bi ak voilà ak yoy non après man duma ko am duma ko acquérir et que affaire du boucle la manam circuit la bo xamantene boucle la bo xamantene fimuy départ c'est à dire que fimuy départ day am conséquence résultat bi et que à part résultat bi da fay boucler wat demat ci départ affaire bi lolou la demé. Donc c'est à part de des lumières manam primordiales yoy non man ci lay amé hein ci lay recevoir affaire et que suma ko recevoir buma nekké di def lu bax lool day am day jour ben lumière et que ces lumières là donc ñom ñoy nekkat départ point de départ pour jarign ma meun di defat leneen lu gëna bax lo tax ngay gis nit ki suy def lu bax day gis yu bax yeneen yi dañ koy gëna yomb mais suy def yu bon han suy def yu bon itam dañ koy gëna yomb ça aussi voilà selon ni ngay agir rek wa tu agis bien voilà donc les actes culturels les actes voilà yoy dañ lay gëna yomb ça se facilite et que soy agir voilà soy agir mal voilà donc les mauvaises actions aussi vont se faciliter donc voilà cercle vicieux et cercle vertueux voilà exactement deux de Cheikh Abdou yex na ñoom mais toi ça a été utile légui mu ne wal azkaru zikari nak ma'lumata xam nañ ko bidayatan ci njaal bi wabit wal hayatan ak jeexata lool xam nañ on en avait parlé les zikr voilà ak waqat deug deug sa wax jitu won at tanbih ak yete alayha ci mbir mom Allah légui mu dess lan lan la waxon awradi azkari mu dess al mahabbatu wat ta'zim wa buñ xolé gis nga bu parti bi non lolou ben fat duñ ci dem donc al mahabbatu kon moy tiofel qalu wax bimu wax ne wal mahabbatu tiofel wat ta'zim ak magal al mahabbatu donc c'est l'amour to moy tiofel wat ta'zim c'est la magnification wala magnification wala glorification. Deng kon mom moy at-ta'zim ñaar yoy mo ne i'lam xamal na an al-mahabbata parce que xam nga jangon nañ ñu on avait vu que ciofel moy al-mahabbata ak at-ta'zim magal dañu interdépendant donc c'est parce que da nga sopp yentib sallalahu alayhi wasallam sopp gi ngi ko sopp mo lay dimbali ba nga mën ko magal donc lolou gissone nañ maintenant mu am benen affaire tamit moy ne sopp gi ngi ko sopp c'est à dire que l'amour bi ngay jox yentib sallalahu alayhi wasallam ak magal gi ngi koy magal le fait ki nga koy magnifier lolou moy indi ndariñ gu mat c'est-à-dire que le profit optimal ci salat ala nabi pour profiter de manière optimum de la salat ala nabi donc de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wasallam il faut manifester son amour et sa magnification ou sa glorification donc lolu le fait que moy julli ci yentibi sallallahu alayhi wasallam mané je le fais manam dama koy def juste par amour et par magnification pour magal quoi c'est juste pour ça mom il n'en a pas besoin soxlawuko parce que de toute façon man suma ko defé wala ma bañ ko def Allah subhanahu wa ta'ala yalla mom mi ngi perpétuellement mom et ses anges perpétuellement et d'ailleurs toute la création perpétuellement célèbre des prières sur le prophète. Donc ñom ah ñi ngi julli ci yentibi sallalahu alayhi wasallam de manière perpétuelle, de manière permanente et de manière éternelle. Donc man que je le fasse ou pas, ça ne change rien. Donc le profit est strictement pour moi. Donc moi dama koy def juste pour manifester sa valeur, mon amour et sa magnification, ma glorification, le fait que je vois la splendeur même du prophète sallalahu alayhi wasallam dans sa réalité, pas voilà qui me donne deug deug et que même d'ailleurs mom moy julli ci man monam mom moy julli ci bopum à travers man bo lo gissone c'est lu nekkon ci mom moy dem à travers yentou bi sallam manam moy julli ci yentou bi mom moy julli ci bopum sallalahu alayhi wasallam légi magal gogou muy wax mune wal mahabbatu tiofel gogou wa ta'zim ak magal bi hauna fihi moy a'malul qalbi jeufi xol yi la Allah donc ce sont des actions strictement du cœur ça veut dire que l'amour xam nga l'amour c'est pas un acte de physique l'amour c'est un acte xam nga du acte xol la niki nonou la magnification le fait de témoigner la splendeur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit kokou ci xol la c'est la haute considération bobu ngay am ci dara magal gogou kokou ci xol la voilà modamou na laysa det lil badani ñel yaram fi ha ci mum hazun aw tir wa dhikru dhikra bidayatu njalbenu ji min a'malil badani ci defi yaram la ga wa nihayatu waye njombartal ga jeexal ga nak min a'malil qalbi defi xol donc zikr mom donc début bi début zikr donc mom acte physique la moy lamne do gel ak bismillah ça c'est le début mais la fin le koko jeuf xol la xol bi legui maintenant c'est le cœur moy tuddu yalla c'est la mention l'évocation wa a'malul qalbi way jeuf xol bi nisbati buñ ko askanale ila amalil badan ci jeuf yaram fa innahu li wer wor moy law amala bu jeufon al badan yaram bi mustahqan bi ram nek ajla fi al ibadat jami ayyaman ay fal muta'addidatu yilmu ma la du joté lahzatan ak gelé ko wahidatan ben kessé min amal qalbi ci def xol donc lool la donc comparaison bi meuna am entre acte jëf yi nga xamné yaram ñoko def ak jëf yi nga xamantene acte yi nga xamné xol mo koy def la comparaison bi existe fofu moy né ay jours même parfois ay années hein ay années nit ki di def avec son corps ben affaire mais un clin d'œil temps bobu le temps d'un clin d'œil la durée bi nga xamné xol bi dafa am ben acte de culte de dévotion bu mu def par rapport ak son seigneur mo upp dool c'est plus intense c'est plus profitable c'est plus prolifique c'est plus bon bénéfique lan parce que lan motax parce que ci xol la jogé lolou mom motax l'entraînement dans l'exercice spirituel ci def xol yi la ce sont voilà ce sont les actes du cœur les l'exercice spirituel du acte yaram yi ni c'est-à-dire que donc ce qui fait que mu lolou mom motax ñi raw ñepp moy ñi nga xamné ñom mën nañu tok ben moment bo xamné mën nañ nek ben moment bo xamné manam tout temps seen xol day am ben attachement ak yalla day aju ci borom bi seen xol alors que le physique ya ngi ci biti ni comme les autres mais c'est que la différence c'est que non leur cœur s'attache au Seigneur, il témoigne la proximité divine. Témoigne les bons, les attributs sublimes du Seigneur. Donc, nous, il faut la différence. Maintenant, après, il y a le fait que Ken, par exemple, un moment, Bundao, c'est-à-dire que nous qui nous avons le cordal, c'est dur. Il s'est montré. Donc, il s'est montré endurant ou patient. Koku limu ci am bokul manam nit mën na jaamu yalla def ay acte yu bare bare yo xamantene yaram be koy def mais xol bi yebuko yo xamantene ki ben moment bi nga xamantene dafa am ben quelque chose de pénible qu'il a atteint et que mu muñ ko il a été endurant il a été patient pour Allah subhanahu wa ta'ala mais mën na ay nit ku liguey ay at des années d'adoration mom mu am ko parce que tout simplement lui c'est un acte du cœur xamna jotaay bi ñu ñuy yeggal inshallah j'espère que vous avez un peu compris oui c'est très intéressant ah une question complémentaire après inshallah voilà inshallah alhamdoulillah wa donc suñu jotaay ñom da ko xawatu wa bu donc voilà alhamdoulillah inshallah wallahu ta'ala alama sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh